إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نواصل مسيرتنا المباركة مع تصويبات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم على موعد مع الأخطاء التي صححها عليه الصلاة والسلام في باب العقيدة. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا ترمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا، أي في السماء، سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم بما قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، أي بهذا الخبر، فما جاء على وجه الحق فهو حق، ولكنهم يقرفون، أي يخلطون الكذب بالصدق، أي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنها انكسفت لموته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وادعوا الله وتصدقوا حتى ينجلي. شفقار الإسلام، nous poursuivons notre route avec la pédagogie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم، et nous évoquons à travers cette nouvelle série la manière et la façon dont le prophète صلى الله عليه وسلم il corrigeait les erreurs ou les maladresses de certains de ses compagnons رضي الله عنهم وأرضاهم. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble, inshallah ta'ala, certaines erreurs qui furent commises par certains compagnons et qui sont liées à la croyance, à l'aqidah, à l'i'tiqad. Dans un hadith rapporté par Muslim, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte: un homme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, il m'a informé qu'un soir, ils étaient assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une étoile filante passa et illumina le ciel. Donc certains compagnons étaient assis avec le messager d'Allah, une étoile filante est passée et le ciel il s'est éclairci. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé: que disiez-vous avant l'islam, fil jahiliya, pendant l'époque anti-islamique, pendant l'époque de l'ignorance. Qu'est-ce que vous disiez quand ça arrivait, ça? Qu'est-ce que vous disiez lorsque vous voyez ce genre d'événement, une étoile filante qui vient percer le ciel? Ils répondirent, les compagnons, au début, « Allahu wa rasuluhu a'lam ». Pourquoi? Parce que les compagnons, ils avaient l'habitude de dire ça. Ils avaient l'habitude de dire « Allah et son messager savent mieux ». Parce qu'ils avaient peur de dire des bêtises. Ils ne voulaient pas dire n'importe quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils se sont ravisés et ils ont dit « Avant l'islam, lorsque nous voyons ceci, eh bien nous pensions que ces étoiles apparaissaient pour la naissance ou le décès d'une personne importante. Quand on voyait une étoile filante dans le ciel, nous les Arabes avant l'islam, on se disait « Tiens, cette nuit, soit quelqu'un d'important il est né, ou alors soit quelqu'un d'important il est mort ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a rectifié le tir. Vous voyez, ça c'est une mauvaise pensée, ça c'est une mauvaise interprétation, ça c'est une mauvaise croyance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé cette mauvaise croyance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ces étoiles n'apparaissent ni pour la naissance, ni pour le décès d'une personne. Mais lorsque notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, il émet un décret, lorsque Allah il prend une décision, lorsque Allah il décide quelque chose, eh bien, les porteurs du trône, les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se mettent à le glorifier. Ils disent subhanallah, subhana rabbina. Ils disent gloire à notre Seigneur, gloire à notre Seigneur. Puis les anges qui se trouvent au ciel suivant, vous savez, il y a ces cieux qui nous séparent du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui sont au sixième ciel, eh bien ils se mettent à glorifier Allah au cinquième, au quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive au premier ciel, le ciel qui se trouve au-dessus de notre tête, ce qu'on appelle Sama ou Dunya, le ciel de ce bas monde. Donc les anges ne cessent de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Puis les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala sont interrogés. On leur demande, qu'est-ce qu'il a dit votre Seigneur? Mada qala rabbukum? C'est quoi qu'il a décidé Allah? C'est quoi ce décret? C'est quoi cette décision? Qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala? Et les anges qui portent le trône, ils leur disent, il a dit la vérité. Qala al-haq. Qala al-haq. Et il leur informe de la décision qui vient d'émaner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les habitants de chaque ciel s'informent mutuellement de l'information qui vient d'émaner d'Allah. Chaque ange qui se trouve au sixième, au cinquième, au quatrième, ainsi de suite, ils disent voilà la décision d'Allah. Allah il a dit telle chose. Allah il a décrété telle décision. Telle chose va se passer. Et qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, chers frères en islam? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'information elle arrive au premier ciel? Eh bien les djinns, les shayatins, les démons furtifs et rapides qui se promènent là au premier ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent l'oreille. Ils tendent l'oreille. يلقون السمع ويحاولون اختطاف هذا الخبر. Ils tendent l'oreille et ils essayent de capturer, de saisir cette décision-là. Et certains d'entre eux, parfois, ils arrivent à entendre la décision que les anges, ils se transmettent mutuellement les uns les autres. S'ils réussissent à entendre cette information, qu'est-ce qu'ils font, chers frères? Ils l'attrapent, ils l'écoutent et ils se dépêchent de la transmettre sur terre. Ila awliyaihim, à leurs amis, leurs alliés, leurs acolytes. C'est qui leurs acolytes? Ta'rifunaha, ta'rifunahum, al-kuhan, wa-sahara, wa-al-munajjamun, wa-al-arrafun, les voyants, les diseurs de bonne aventure, ceux qui prétendent connaître l'avenir, ceux qui prétendent connaître ce qui va se passer le lendemain, et ainsi de suite. Les charlatans, quoi. Vous savez, les charlatans sur terre. Et ceux qui prétendent connaître l'avenir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Avec cette information qui est véridique, ils en mélangent une multitude d'autres. D'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, les démons, ils descendent avec une information qui est véridique, qui est juste, c'est vrai, c'est ce qu'Allah, il a dit. Mais ils en rajoutent 100 qui sont mensongères. Subhanallah. Une bonne information, et 100, c'est un nœud, un amas de mensonges, un tissu de mensonges, wa iyadu billah. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Les anges qui sont au premier ciel, yarmounahum bihadihi nujum. Les anges, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur lancent des pierres qu'ils tirent des étoiles. Et c'est ça les étoiles filantes qu'on voit parfois passer dans le ciel. Ce sont les anges qui chassent les démons qui sont venus tenter d'écouter les informations qui descendent du ciel. Donc vous voyez les étoiles filantes, chers frères, c'est pas quand quelqu'un d'important il naît et c'est pas quand quelqu'un d'important il vient de mourir. C'est l'explication qu'en a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors parfois ces démons ils sont chassés et parfois Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse s'échapper avec l'information. وَلِلَّهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala la sagesse ultime. وَهَذِهِ فِتْنَةٌ. Ça c'est une tentation pour voir ceux qui vont croire les diseurs de bonne aventure, les voyants, les charlatans et ainsi de suite, et ceux qui ne vont pas les croire. Et dans un deuxième hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a dit, un jour, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une éclipse solaire est apparue, a eu lieu, elle s'est produite, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette éclipse solaire a eu lieu le même jour du décès d'Ibrahim. C'est qui Ibrahim? C'est pas le prophète Abraham, c'est le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu un fils, il l'a appelé Ibrahim alayhi salatu wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort, son fils Ibrahim. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils se sont dit, tiens, le fils du prophète, il est mort, il y a eu une éclipse. Donc ça veut dire que l'éclipse, elle se produit quand quelqu'un d'important, il décède, ou quand quelqu'un d'important, il vient de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est monté sur le minbar et il a exhorté les gens. Il a recadré le tir. Il a corrigé cette fausse croyance, cette croyance et cette pensée erronée. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah? Oh vous les gens, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne s'éclipsent ni pour la naissance, ni lors du décès d'une personne. Ce n'est pas parce que mon fils Ibrahim il est mort aujourd'hui qu'il y a eu cette éclipse solaire. Ça n'a rien à voir. Ma vie a alaqa. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais lorsque vous voyez cela, une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, eh bien, accourez à la prière. D'ailleurs, il y a une prière qui s'appelle Salatul Kusuf, la prière de l'éclipse, qui dure très longtemps d'ailleurs, qui est très longue et qui est particulière, qui n'est pas comme les autres prières d'ailleurs. Il suffit de revenir aux ouvrages de jurisprudence pour la connaître. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Et lorsque vous voyez ça, faites la prière de l'éclipse. Sallu Salatul Kusuf. Évoquez Allah abondamment, implorez-le abondamment, et faites l'aumône jusqu'à ce que l'éclipse, elle disparaisse. Parce que ça, ce sont des signes à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait un rappel. À travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre sa puissance et sa capacité subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih al-Bukhari, an al-Rubayyi' bint Mu'awwid ibn Afra, radiyallahu anha, qalat, ja'a an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات أي بنات صغيرات فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي وفينا نبي يعلم ما في غدي يعني ادعت هذه الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وحاشاه عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذا اتركي هذا لا تقولي هذا وقولي بالتي كنت تقولين. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari شقه عن الإسلام الربيع بنت معوذ ابن عفراء. C'est une éminente femme parmi les épouses des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle rapporte un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu me rendre visite chez moi, le lendemain de mon mariage. Le lendemain de mon mariage. Et cette femme, Ar-Rubayyi', elle a été mariée à Iyas ibn Bukayr al-Layfi, un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est assis sur mon lit, à l'endroit où toi tu te trouves. À qui elle parle ici, Ar-Rubayyi'? Elle parle à celui qui rapporte ce hadith et qui s'appelle Khalid ibn Dakwan. Khalid ibn Dakwan, c'est un homme qui a vécu à la génération suivante des compagnons du prophète. C'est un tabi'i, radiallahu anhu. Donc elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu me voir le lendemain de mon mariage. Et il s'est assis sur mon lit, là où tu te trouves toi. Deux jeunes filles étaient chez moi et elles chantaient des vers de poésie. Elles chantonnaient des vers de poésie en frappant dans un duf. Ad-douf, c'est quoi, cher frère? C'est un tambourin. Et donc, l'une d'entre elles a dit, et parmi nous, il y a un prophète qui connaît le futur. Parmi nous, il y a un prophète qui connaît l'invisible. Et le prophète, il était là, alayhi salatu wa sallam. Il était assis dans la maison. Et qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Quand il a entendu ça, il l'a arrêté. Il l'a stoppé. Il lui a dit, la taquli hada. Ne dis pas ça. Ne prononce pas ce genre de propos. Parce que c'est faux, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ya'lamu al-ghayb. Qul la ya'lamu man fi s-samawati wal-ardi al-ghayb illa Allah. Wa ma yash'uruna an ayyana yub'athun. N'est-ce pas qu'Allah dans le Coran il a dit, dis, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ils ignorent complètement ce qui va se passer demain. Ils ignorent l'invisible. Alors ni moi, ni personne sur terre ne connaît l'invisible. Personne ne connaît le futur. Et celui qui prétend ça, eh bien, il aura mécru à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est grave de dire ça, que quelqu'un il connaît l'invisible, il sait ce qui va se passer demain, il connaît le futur. Personne ne le connaît ça. Vous allez me dire, oui mais attends mon frère, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois là, tu nous as bassinés avec des hadiths, des versets coraniques, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Asharatus sa'a al-kubra, Asharatus sa'a al-sughra, le prophète il a fait des prédictions. Le prophète il nous a dit, voilà, il va se passer telle chose dans le futur, et au jour de la résurrection, il va arriver telle et telle chose. Ça, c'est invisible. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore. Ça, c'est dans le futur. Oui, mais ça, ce sont des choses qu'Allah lui a révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses qu'il a enseignées et qu'il a révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, la règle générale, al-qa'idatul amma, annahu la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. La règle générale, c'est que le seul à connaître le futur et l'invisible, c'est Allah. Tabaraka wa ta'ala. Personne d'autre ne connaît ça. Même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même pas le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Donc quand le prophète il a entendu ça, wa fina rasulullah ya'lamu ma fi ghadi, et parmi nous il y a un messager, un prophète qui connaît le futur, qui sait qui va se passer demain, le prophète il l'a arrêté. Il a dit, ne dis pas ça. Ne prononce pas ce genre de parole. C'est grave de dire ça, mais continue à dire les vers de poésie que tu es en train de prononcer, notamment les éloges et les qualités de ceux qui sont tombés à la bataille de Badr. Radiallahu anhum wa ardahum. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a corrigé cette erreur avec simplicité, avec bienveillance, avec douceur. Alayhi salatu wa sallam. Il n'a pas insulté cette jeune fille, il ne l'a pas frappée et il ne l'a pas taxée également aussi de mécréance. Il lui dit bah, elle a kufru billah. Ça c'est de la mécréance. Takhrujuna min ad-din. Tu es sorti de l'islam avec cette parole. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bi kulli suhula, bi kulli basata, la taquli hada. Ne dis pas ça. Mais continue à dire ce que tu disais. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. As'alullah tabaraka wa ta'ala. Li wa lakum al-fiqha fi d-din. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه مذل من خالف أمره وعصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وإخوانه إلى يوم يلقاه أما بعد أيها المسلمون عباد الله روى الإمام ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ ماذا تصنع يا معاذ ماذا تفعل ما هذا السجود فقال معاذ رضي الله عنه أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أي عظمائهم وأئمتهم من النصارى فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. Chers frères en islam, le dernier hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith rapporté par Ibn Majah et que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala il a jugé bon et valable. Abdullah ibn Abi Awfa, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, il a rapporté qu'un jour de retour du Sham, Mu'adh ibn Jabal, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a vu le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sajada li nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dit, que fais-tu au Mu'adh? Qu'est-ce que c'est ça au Mu'adh? Pourquoi tu te prosternes devant moi? Alors Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au Sham, et à cette époque, il y avait qui au Sham, chers frères? Ahlul Kitab, al-Yahoud wa al-Nasara, des juifs et des chrétiens. Il a dit, j'ai vu les gens se prosterner pour leur évêque. pour leurs évêques. Les évêques, c'est qui? Ce sont les personnages importants dans la hiérarchie chrétienne. C'est d'ailleurs les personnages qui ont le plus haut rang chez les chrétiens et autres dignitaires chrétiens. J'ai vu les gens, les chrétiens, se prosterner devant leur évêque. Alors en moi-même, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, subhanallah, si eux, les chrétiens, ils se prosternent devant leur imam, devant leur référent religieux, si on peut dire, eh bien nous, les musulmans, on doit le faire pour qui? Pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est pour ça que j'aurais aimé le faire pour toi, au messager d'Allah. Ça, c'est grave, cher frère en islam, de se prosterner devant quelqu'un d'autre. Hala kufrun billah. Si quelqu'un il se prosterne devant un autre qu'Allah, pour un autre qu'Allah, كيف يسمى هذا يا شيخ؟ Comment ça s'appelle ça? C'est de la mécréance, cher frère. هذا كفر صريح. C'est de la mécréance pure et simple. Mais في تأويل, il n'y a pas de falsafa. Il n'y a pas d'interprétation à donner. الذي يسجد لغير الله يكفر. Celui qui se prosterne devant une statue, devant une idole, devant un être humain, devant un arbre, devant une pierre, devant quoi que ce soit, يخرج من الدين. Mais regardez, subhanallah, la bienveillance du prophète, la miséricorde du messager d'Allah, l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Istafsar. Il a cherché à comprendre le prophète. Il n'a pas dit à Mu'ad, akhlas anta kafir. Toi, tu es mécréant, tu es sorti de l'islam. On se prosterne soit pour Allah, soit pour personne. Subhanallah. Contrairement à certaines personnes dans la communauté à notre époque, ils distribuent des certificats de mécréance comme on distribue des prospectus. Hada kafir, hada mushrik, hada kafir, hada kafir. Ou dunya kamna kafira. Et la terre entière, elle est mécréante. Tout le monde est kuffar, sauf eux, c'est tout. غيرهم هما على الدين وعلى التوحيد وعلى الإسلام سبحان الله ها معاذ بن جبل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وما أخرجه من الدين regardez معاذ بن جبل il s'est prosterné devant le prophète صلى الله عليه وسلم et avec ça il n'a pas fait sortir d'islam il s'est fait ça il a cherché à comprendre il a dit à معاذ pourquoi tu fais ça c'est quoi cette prosternation et معاذ lui a expliqué la raison de son geste ensuite qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah il a dit ne faites pas ça بكل بساطة simple mais efficace. Il n'a pas hurlé sur Mu'ad, il n'a pas insulté Mu'ad, il n'a pas critiqué Mu'ad. Il a dit, ne faites pas ça. Ne vous prosternez pas pour un autre qu'Allah. Ne vous prosternez pas devant moi. Je ne mérite pas ça. Le seul qui mérite la prosternation, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il a dit, ne le faites pas. Si je devais ordonner à quelqu'un, à un être humain, de se prosterner pour un autre qu'Allah, il a dit, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Li'azimi haqqihi 'alayha. Parce que le mari, il a un droit énorme sur la femme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, que la femme, elle ne s'acquittera pas du droit d'Allah, de son Seigneur, tant qu'elle ne s'acquitte pas du droit de son mari. Subhanallah. D'ailleurs, dans un hadith, chers frères en islam, que vous connaissez très bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Inna al-mar'ata in sallat khamsaha, wa samat shahraha, wa hassanat farjaha, wa ata'at zawjaha, دخلت الجنة بأي أبواب الثمانية شهد سبحان الله لا فام الإسلام شقيق البروفيت il a dit si une femme musulmane elle jeûne ses 5 prières par jour sauf quand elle est indisposée bien entendu ou est معقول ça sert à rien de le dire et qu'elle jeûne son mois de Ramadan et qu'elle préserve sa chasteté qu'elle ne commet pas la fornication et l'adultère et qu'elle obéit à son mari dans le ma'ruf bien entendu dans l'obéissance d'Allah pas dans le haram et dans la désobéissance qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle rentrera au paradis parmi les 8 portes de son choix. Subhanallah, tadkhul al-janna bi kulli suhula. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme elle ne s'acquittera du droit d'Allah tant qu'elle ne s'acquittera pas du droit de son mari. Donc on voit à travers ce hadith, chers frères, la façon, la méthodologie, la pédagogie avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a corrigé l'erreur de Mu'ad ibn Jabal avec bienveillance, avec intelligence, avec sagesse, avec miséricorde. Alayhi salatu wa sallam. Prenons exemple sur le meilleur des enseignants et le meilleur des professeurs qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alani wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill al-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din 'ala ikhtilaf milalihim wa nihalihim ya qawi ya 'aziz. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ودمره تدميرا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.